en place TMC. Hiro à la prod. La boussole. Le rap c'est mon calmant, afin de tenir mentalement. De l'inspi j'en ai tellement que je suis invité par des Allemands. J'ai pas le temps de penser, mais avec ma plume je déballe tant. Je m'en bats quand j'ai mal comme un amputé des Balkans. Ce qui me fait mal je l'écris, dans des sommaires épatants. Des groupies j'en ai pas tant, mais ça ne me rend pas aigri. Pas le genre à pousser des cris, silencieux mais sans mépris. Pour les jeunes je suis un débris, j'avoue que j'ai pas le teint éclatant. Alors je gratte sans fil, tant pis si vous aimez pas. On dit que mon rap est gentil, je laisse ma passion qui t'aimait pas. Nostalgique dès le départ, la vie c'était mieux avant. Mes morceaux j'en fais départ, le béto j'arrive mieux à vendre. Ça dit que mon rap est fort, mais c'est pas le cas de son auteur. Je voulais épouser le succès, j'étais juste son garçon d'honneur. À la recherche du bonheur, mon GPS m'a lâché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à ma boussole, je suis attaché. À parler de mes faiblesses, dans le game, je déjoue les lois. La couronne, je vous la laisse, pas là pour jouer les rois. Mes rimes mettent mal à l'aise, mais c'est juste des bouts de moi. J'ai peur que ça vous plaise, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. À parler de mes faiblesses, dans le game, je déjoue les lois. La couronne, je vous la laisse, pas là pour jouer les rois. Mes rimes mettent mal à l'aise, mais c'est juste des bouts de moi. J'ai peur que ça vous plaise, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Agacé par mon passé, ça se ressent dans mon phrasé. Métaphore entrelacée, je crois que mes peines m'ont terrassé. Peur m'enterrer ce que j'aime dès que j'ai les yeux fermés. Les autres allez vous faire mettre, je ne veux plus me fâcher. L'impression de tout gâcher, je suis attaché à des foutaises. Vient l'envie de tout lâcher lorsque nos douleurs nous pèsent. Je doute que ma vie vous plaise, j'ai pas d'imagination. Écoutez-moi, s'il vous plaît, j'attends votre indignation. Allez. J'ai plus qu'un 8 à lâcher et je vous rendrai vos oreilles. En vrai, on le saurait si l'oseille pouvait tout gâcher. J'ai tendance à rabâcher ma sagesse qui n'en est pas. Maman ne t'en fais pas, c'est que des émotions cachées. J'ai la plume qui pète un câble, mon ego qui a la dalle. Il était parasasié, je suis donc revenu à table. C'est mon inspi qui m'accable, je l'autorise à s'exprimer. M'écoutez pas s'il vous plaît, je rends les journées macabres. M'écoutez pas s'il vous plaît, je rends les journées macabres.